Désolé d'arriver si tard, j'étais fatigué, je m'étais assis sur le trottoir, et j'y ai dîné, et j'ai pensé à venir te voir, pour t'expliquer que nous deux c'est fini. Oh oui, t'as un truc coincé entre les dents. Je disais, j'ai un nouvel ami, c'est le docteur Cassan. J'ai écouté des hirondelles qui parlaient de moi et elles disaient que j'étais belle et que tu ne l'étais pas. Tu sais comment rester fidèle à ma place dans ce cas. Au fait, je t'ai pas dit, mais là, j'ai un nouvel amant. Tu le connais, c'est ton ami, c'est le docteur Cassan. Je suis peut-être égoïste, suicidaire, dépressif, cinglé et triste, sans en avoir l'air malheureuse et nihiliste, comme un dromadaire, et ça, c'est une sacrée liste. Je devais faire attention, je ne pouvais pas faire autrement, c'était dans la prescription du docteur Cassan. Non, ne pleure pas, j'ai pas de mouchoir. Attends, je cherche, je dois peut-être en avoir. Il est utilisé, alors c'est à toi de voir. Je voudrais pas te passer mes microbes sans le savoir. Ah zut, j'avais pas fait attention. Alors qui passe est là, je n'ai plus le temps. Je dois filer pour une consultation chez le docteur Cassan. Chez le docteur Cassan. Chez le docteur Cassan.